Chapitre 51. Le village de Rilhombez. Une réunion de femmes. Un vacarme effrayant. Mon cabinet de toilette. Le vent à Mengil. Le séfide rude. Une noce à Rudbar. Le tatouage. L'amour de la vie nomade et l'habitude de vivre sous la tente font que les indigènes en voyage procèdent à leur installation avec une facilité et une dextérité remarquables. J'en fis l'observation tant à Gasbin qu'à Rilhombez, où nous arrivâmes avant la nuit. Ce bourg, à 5 farsakhs de Gasbin, est dominé par des montagnes. Le pays qui s'étend entre ces deux localités est assez accidenté. Note. Rilhombez veut dire un dôme fait avec de la boue. Fin de note. On remarque plus de bien-être chez les habitants de ces provinces que chez ceux du Mazandéran. Plusieurs villages sont entourés de murs de défense percés d'une seule porte. Cette enceinte en terre battue ne saurait constituer un rempart solide contre une attaque sérieuse. La coutume des Persans d'employer l'argile pour leur construction suggéra une idée pratique à Sir Henry Bethune Lindsay, venu des Indes, pour faire l'instruction militaire des troupes persanes. Il trouva que le moyen le plus simple pour réduire une ville était de jeter de l'eau sur ses murailles de boue, l'eau les faisant fondre comme du sucre. Note. Ce colonel anglais, connu en Perse sous le nom de Lindsay Sahib, réussit par ce moyen à ouvrir une brèche dans les murs de Zanjan, par où il fit pénétrer ses troupes qui combattaient contre les Babis. Fin de note. Le maire de Rilhombez mit sa maison à notre disposition. Les femmes du village vinrent nous souhaiter la bienvenue et nous invitèrent, l'Arménienne et moi, à prendre le thé chez l'une d'elles. Toutes, accompagnées de leurs nombreuses progénitures, assistaient à cette réunion. Elles s'accroupirent autour du coursi, formant un groupe fort original. Ces personnes ne me parurent pas animées de fanatisme à l'égard des chrétiens, car, ne considérant pas nos lèvres impures, elles ne brisèrent point nos verres. Comme les femmes de Téhéran, elles se maquillent et se teignent les cheveux, les mains, les pieds et les ongles. Leurs vêtements ont la même coupe que ceux des élégantes, mais les jupes de ces villageois sont moins courtes. Un ruisseau traverse Rilhombez. Les ménagères y lavent le linge et les ustensiles de cuisine. Les hommes y font leurs ablutions et les canards y prennent leurs ébats, ce qui n'empêche pas les habitants de boire cette eau sans la moindre répugnance. Nous quittâmes ce bourg de bon matin. La plupart des habitants s'étaient levés pour voir partir notre caravane. Peu après Rilhombez, le pays devient montagneux. Nous fîmes un trajet de 5 farsakhs sur un chemin continuellement mauvais. À certains endroits, il était si difficile et si périlleux que je me vis forcé de descendre de la quête Javé et d'aller à pied. Cette route, qui est cependant la postale, est taillée dans le roc et forme des zigzags au bord de précipices effrayants, au fond desquels un torrent impétueux roule avec fracas. Cet étroit sentier, hérissé de pierres, de fragments de rocs détachés qui s'y sont incrustés, forment des marches inégales sur lesquelles le pied, même si ferme des mulets, glisse souvent. À chaque pas, j'étais tantôt arrêté par un amas de pierres entre lesquelles je devais me frayer un passage, tantôt par des flaques d'eau glacée où le patin eût été bien préférable à mes chaussures. Mes compagnons plus aguerris me prêtaient leur assistance. Ces défilés rocailleux et les aspérités du sol occasionnent souvent des accidents aux bêtes de somme lorsqu'elles descendent de la montagne. Les ingénieurs qui, un jour peut-être, seront appelés à construire une route praticable auront accompli une œuvre humanitaire et mériteront les bénédictions des voyageurs qui s'aventurent dans ce casse-cou avec les plus légitimes appréhensions sur leur sort. Note. Sa Majesté le Shah, à son retour d'Europe, voulant aller par le Rilan pour rentrer à Téhéran, avait ordonné la réparation des routes qui n'avaient pas encore été faites lors de mon passage. Fin de note. En hiver, une température glaciale règne dans ces régions montagneuses. À mon passage, le 2 avril, le sol était gelé. Cette route est une des grandes artères du pays. On y trouve des maisons de relais, Chaparrané. Nous passâmes la nuit dans celle de Pachenar, pied du platane, édifice assez vaste mais laissé dans un complet état d'incurie et de malpropreté. Me préoccupant médiocrement des portes sans serrure, des fenêtres sans carreaux et d'autres détails de ce genre, je fus heureuse pourtant, ainsi que mes compagnons, de trouver cet abri après les fatigues de la journée. Veillant à notre sécurité, nos golems, en compagnie de leur fanous, se tenaient à l'extérieur de la porte de la chambre commune. La nuit, un bruit épouvantable nous réveilla tous en sursaut. Il s'ensuivit une scène comique dans le genre de la première qui nous avait mis en émoi. Les Arméniens saisirent de nouveau leurs armes en appelant les golems. L'un d'eux, plus courageux que les autres, parvint à allumer une bougie et, à sa clarté vacillante, nous reconnûmes la cause du tapage qui avait semé l'épouvante. Une porte mal assurée, arrachée de ses gonds, que nos gardiens avaient enfoncé en s'y appuyant pour dormir, était tombée. À côté d'elle, nos golems étaient étendus à terre avec leur inséparable fanous. Nos gardes du corps se relevèrent piteusement, regrettant assurément bien plus l'interruption si brusque de leur sommeil que d'avoir été pris en flagrant délit de vigilance. Rassuré sur le sort de ses protégés, notre chef, le joaillier, déposa son revolver à 6 coups, les hommes composant son courageux escadron en firent autant, et tout rentra de nouveau dans le plus profond silence. Les voyageurs qui s'arrêteront au caravansérail de Pachenar trouveront peut-être la porte toujours à la même place. Dans ce pays, on est d'une indifférence inouïe quand il s'agit de remettre les choses en bon état. Le lendemain, à mon réveil, je vis avec joie un rayon de soleil se glisser à travers les crevasses des murs de notre gîte. Je me levai aussitôt et je sortis pour voir la campagne. Le soleil éclairait une vaste prairie et se miroitait dans un petit ruisseau voisin. Ce fut là une véritable trouvaille et ce matin-là, le cours d'eau me servit de cabinet de toilette. Pour se faire une idée du plaisir que me causa la vue de cette baignoire naturelle, il faut avoir voyagé en Perse où tout ce qui a rapport à la propreté fait absolument défaut dans les Chaparrané. Je me sentis assez réconfortée pour entreprendre notre 7e étape qui devait nous conduire de Pachenar à Rudbar. Au printemps, les pluies sont fréquentes dans cette contrée, mais le ciel serein du matin nous promettait une belle journée. Nous n'avions plus à craindre les accidents du terrain. Au bas de la montagne que nous avions traversée si péniblement la veille, le sol redevient uni et continue ainsi dans toute la province du Rilan. La première partie du chemin jusqu'au village de Mengil est aride. À partir de là, elle devient plus riante. On s'arrange de façon à gagner cette halte avant midi, car depuis ce moment, jusqu'à 6 heures du soir, il souffle dans cette région, pendant plusieurs mois de l'année, un vent si violent qu'il renverse les hommes et les bêtes. Note. Ces vents règnent dans plusieurs localités. Ils sont dus à la raréfaction de l'air sur quelques plateaux des montagnes. Cet air dilaté par l'action d'un soleil sans nuages s'élève vers le ciel et se trouve ainsi remplacé par un courant d'air froid qui arrive de toutes parts. À Mengil, ce courant se fait sentir fortement par suite de la configuration particulière du pays. Le vent s'engouffre dans la vallée arrosée par le Sefidrud. Il est si violent que la plupart des arbres sont couchés et pliés comme des épis dans un champ de blé. Fin de note. Malgré cela, vu la fraîcheur continuelle provenant des eaux du Sefidrud, qui coule capricieusement entre deux rives couvertes de gazon et parallèlement à la voie menant à la mer Caspienne, dans laquelle il se jette, les prairies avoisinant Manjil sont d'un vert d'émeraude et la végétation est vigoureuse. Le Céphidrude, fleuve blanc, est improprement nommé, la couleur de ses eaux étant d'un jaunâtre très foncé. Plusieurs beaux ponts sont jetés sur ce cours d'eau, mais comme rien n'est entretenu et que tout ce que l'on bâtit en Perse est peu solide, on peut leur prédire le sort des autres ponts construits sur les routes. Ces derniers sont dans un tel état de délabrement que les muletiers évitent toujours de les franchir, préférant passer l'eau à gué pour plus de sécurité. Après les angoisses que j'avais éprouvées en traversant les dangereux défilés de la montagne, je fus ravi, en approchant de Rüttbach, de l'aspect du pays qui s'étend à perte de vue dans les plaines. Ce ne sont que des villages enfouis dans des bois d'oliviers et des jardins dont la riche végétation était en pleine floraison le 3 avril. Tandis que du côté opposé de la montagne, où nous étions la veille, tout portait encore la triste empreinte de l'hiver. De l'autre, la nature rajeunie réjouissait les yeux. Le feuillage terne et vert grisâtre des oliviers contrastait avec les fraîches pousses des amandiers et des autres arbres fruitiers en fleurs. Une des plus riantes localités de la région est Rüttbach, arrosée par le Céphidrude et environnée de jardins. Note, près de Rüttbach se trouvent des mines de fer et des gisements de houille non exploités. Fin de note. Son aspect me charma. Il en fut bien autrement du caravansérail où nous entrâmes. Les loges sombres et malpropres me répugnaient à tel point que l'envie me prit de passer la nuit à la Belle Étoile et de chercher un abri sous les branches touffues des oliviers séculaires. La température ne me le permit pas. Note, les habitants de Rüttbach se disent les descendants du calife Yézid, vainqueur de Hussein, fils d'Ali, et de son lieutenant Tchénir. Ces Arabes, originaires de Damas, émigrés en Perse, s'établirent dans la province du Rilan où ils importèrent l'olivier. Un quartier du village porte encore le nom de Yézid, un autre celui de Tchénir. Les habitations de Rüttbach sont disséminées sur le flanc de la montagne et s'étendent jusque dans la plaine. Pendant les chaleurs, les indigènes s'établissent sur les hauteurs, sous des tentes faites d'un tissu en poil de chèvre et de crin de cheval. À cette époque, les villages de la plaine, situés sur les deux rives du Céphidrude, sont complètement abandonnés. On fabrique à Rüttbach une grande quantité d'huile que l'on exporte en Russie. Les gens du pays jouissent d'une certaine aisance. Le costume des hommes diffère totalement de celui des campagnards des environs de Téhéran et du Mazandéran. À cause de l'humidité du climat, les habitants du Rilan portent des vêtements en laine brun foncé tissés par les femmes. Ni par la forme, l'étoffe, la nuance, ils ne rappellent le costume asiatique. L'ample et long caftan est remplacé par une veste courte ajustée et le pantalon, au lieu d'être large, est au contraire serré à mi-jambe, retenu par une guêtre en laine tricotée. Leur coiffure est une calotte en feutre jaune. À notre arrivée à Rüttbach, on y célébrait un mariage. Les sons de la musique annonçant la fête m'attirèrent vers une maisonnette située au milieu des bosquets. C'était la demeure d'un mollah qui mariait sa fille. Aussitôt que les musiciens m'aperçurent, ils vinrent vers moi en me saluant. Leur orchestre se composait d'un dombelek, instrument ayant la forme d'un petit tonneau recouvert d'une peau sur laquelle on frappe avec les mains, puis d'un daoul, grand tambour, d'un côté en bas avec un petit marteau et de l'autre avec une grosse baguette. Ces bruits discordants étaient dominés par deux fifres, zurna, aux notes stridentes. Pour me souhaiter la bienvenue, les exécutants me donnèrent une aubade et, en redoublant d'entrain, m'accompagnèrent vers les gens de la noce, tout en jouant et en dansant devant moi. La gracieuse attention de ces artistes campagnards leur valut un pourboire qu'ils désiraient vivement, car leur amabilité à mon égard n'avait pas eu d'autre but. Satisfaits et enchantés de ma générosité, les ménétriers appliquèrent sur le milieu du front, en guise de trophée, les pièces de monnaie que je leur avais distribuées, puis ils recommencèrent à jouer de plus belle. Note. Dans certaines localités, les jours de noces, les musiciens font de temps en temps le tour de la société en quêtant. Ensuite, ils appliquent sur le front les pièces de monnaie qu'on leur donne, les y laissent pendant l'exécution des nouveaux morceaux et les remplacent après en avoir reçu d'autres. Fin de note. L'élite du village se trouvait réunie dans la demeure du Mollah et la fête qui durait depuis plusieurs jours touchait à sa fin. Le soir même, la jeune femme devait être conduite en procession chez son mari. Les réjouissances à l'occasion d'une noce durent ordinairement de 3 jours à plusieurs semaines, suivant la position de la famille des mariés. Le premier jour, des jeunes filles, parentes ou amies de la fiancée, lui apportent de la part du futur le henna pour la teinture des cheveux, des mains et des pieds. Elles l'accompagnent au bain où se fait la toilette de rigueur. Le lendemain, le fiancé envoie ses cadeaux et les divertissements se terminent par l'arrivée de la mariée chez son époux. Elle est suivie d'un cortège plus ou moins nombreux qui accompagne en grande pompe son trousseau. C'est l'occasion de déployer beaucoup de luxe. Lorsque c'est un grand mariage, les effets de la jeune épouse sont transportés à dos de chameaux, de mulets et de chevaux somptueusement harnachés. Les amis de la famille, une foule de domestiques et une grande partie des habitants de la localité se joignent à la caravane qui apporte ses richesses. Une noce est toujours une fête intéressante, particulièrement pour les femmes. Celles qui se trouvaient réunies dans le jardin du Mollah de Rudbar, plus ou moins jolies, mais toutes élégamment parées, étaient nombreuses. Leurs vêtements, enrichis de broderies en or, en argent et couverts de bijoux, dénotaient le bien-être et la fortune des habitants. Les femmes se voilent la figure, mais elles sont moins réservées pour leur poitrine qu'elles laissent découverte. Le tatouage bleu sur les bras et les chevilles est fort à la mode parmi les femmes du peuple. Elles tatouent leurs enfants en bas âge au moyen d'aiguilles noircies à la fumée de naphte. En mon honneur, les invités exécutèrent des danses composées de pas, de poses et de gestes plus ou moins gracieux. Elles m'offrirent les chirini qui ne manquent jamais à un mariage et figurent toujours sur de grands plateaux dans le cortège nuptial. Je passai ainsi plusieurs heures agréablement et je quittai la demeure du Mollah avant la fin de la fête qui se prolongea jusqu'à l'aube. Occupé à mes préparatifs de départ, j'entendis du fond de la loge du caravansérail le bruit assourdissant des tambours et des fifres annonçant aux habitants de Rudbar que la fille du Mollah se dirigeait vers la demeure de son jeune époux. Ce cortège joyeux croisa notre caravane au moment où nous prenions le chemin de Rustam Abad. Fin du 51e chapitre.